dilant notre temps. Rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu, Dieu, Dieu. Brassens, les grandes gueules, demi-portion, demi-portion. Hommage à Jean-Jean Brassens. Est-il à notre temps? Rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu. Je voudrais avoir la foi de mon charbonnier qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à débiter les rotulataires, tous les Ave Maria et tous les paternosters. Dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondistes, tous les morpions, les bus. Sur ces entrefaites-là, se trouvant dans les orties, une soute à ma taille et je m'en suis travesti. Et tonsuré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mis en chemin. Je tombais sur un boisseau de punaise de sacristie, me prenant pour un autre en cœur. Elles m'ont dit, mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi, criant à l'imposteur, au traître, au papelard. Elles veulent me faire subir le supplice d'Abélard. Je vais grossir les rangs des muets du sérail, les belles ne viendront plus se peindre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirés par le bruit, une dame de charité leur dire, que faites-vous, malheureuse, arrêtez. Y'a tant d'hommes aujourd'hui qui ont penchant pervers à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leur virer la pas, à ceux qui en ont encore, ne les enlèveront pas. Ces arguments m'insuffirent une grosse impression. On me laissa partir avec des ovations, mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas. La voix viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelques temps que je ne vole plus. Et si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si on avait la foi. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi, la foi, la foi. Si l'éternel existe, l'éternel existe, en fin de compte, il voit, quand il voit que je me conduis guère, conduis mal, plus mal que si j'avais la foi, j'avais la foi. Ouais, ouais, le mec rien, le mec rien, écrit par Georges Brassens. Il de taux, 34-200-7-7. Ouais, ouais, 2008, 2008, 100% c'est toi, 100% c'est toi.